Le camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le Musée de la Nature et le Zoo Central en état d'achèvement en compagnie des cadres responsables du parti et de l'armée. Tout d'abord, il a fait le tour de plusieurs endroits du musée pour s'enquérir en détail de l'état de construction. Une fois construit le musée de la nature, centre d'éducation de masse et d'études scientifiques, destiné à vulgariser les connaissances sur la nature, a vu le jour un nouveau point d'appui d'éducation caractéristique, lieu de repos culturel au service de notre peuple, des jeunes et enfants en premier lieu. Ce disant, Kim Jong-un a apprécié haut les mérites du secteur concerné et des bâtisseurs qui ont mis sur pied à merveille le musée de la nature. Et de continuer. Tous les salons du musée sont bien aménagés. Le salon cosmique est caractéristique, car il permet d'apprendre des connaissances sur le système solaire et la Terre formés au bout de l'évolution de l'univers en les associant avec l'origine de la vie. Les spécimens de différentes sortes et données scientifiques sont exposés dans les salons montrant l'évolution du monde biologique, ce qui fournira aux visiteurs une compréhension correcte et des connaissances larges sur la nature. Les spécimens zoologiques et botaniques et des animaux empaillés sont exposés de façon systématique et vivante selon les espèces dans les salons zoologiques et botaniques. Le musée de la nature contribuera efficacement non seulement à l'éducation des jeunes et enfants et d'autres travailleurs, mais encore à l'étude scientifique. Il a donné ses instructions de valeur pour mieux aménager le musée de la nature sur la base du principe de la scientificité, de l'utilité et de l'amabilité. Le camarade Kim Jong-un a ensuite visité le zoo central. En admirant le panorama du zoo, il a dit que c'est magnifique et qu'une fois entré dans le pavillon principal gigantesque figurant le tigre du mont Baektu, les visiteurs seront en proie à l'allégresse et au romantisme. Et de souligner, grâce aux efforts soutenus des bâtisseurs et réalisés brillamment l'intention du parti désireux de réunir à la population de meilleures conditions de repos culturel en dépit des difficultés. Les cages d'animaux dessinées et construites avec les dessins et de manière plastique et artistique, de sorte qu'on puisse les savoir de loin à la première vue, sont impeccablement aménagées aussi, bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Et les visiteurs auront l'impression d'être dans un habitat des animaux correspondants. Le pavillon des reptiles figurant une tortue géante est vraiment spectaculaire. Après avoir vu les cages de singes, d'éléphants, de girafes, de chevaux nains et d'autres, le camarade Kim Jong-un s'est montré satisfait que les visiteurs y peuvent passer un moment agréable toutes les quatre saisons. Aux cages de fauves réaménagées, il a estimé excellente sa face vitrée de verre de haute intensité. Et d'affirmer, une fois ouverte la porte du zoo central, notre peuple en sera infiniment content et heureux. Et il se sentira plus fier d'être dignement au sommet de la civilisation mondiale. Le bonheur et la joie de notre peuple seront sans bornes. Nous avons bien fait d'avoir réaménagé le zoo. Ceux qui visitent le musée de la nature et le zoo central connaîtront correctement la force inépuisable de la Corée du Sud et le niveau de notre civilisation. Ce faisant, le maréchal Kim Jong-un a présenté aux fonctionnaires du secteur intéressé, bâtisseurs et personnel, les tâches de bien donner la dernière touche aux travaux et de bien faire les préparatifs de la gestion.